Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence avec Olenna Tyrell. J'ai fait d'innommables choses pour protéger ma famille, ou vu mes hommes les acter sur mon ordre. Je ne souffre d'aucune insomnie depuis. Tout était nécessaire. La famille est-elle notre meilleur ennemi ? La nécessité commande-t-elle de tuer pour protéger sa famille ? Tous les moyens sont-ils bons pour parvenir à la fin suprême, le maintien au pouvoir ou l'accession au trône de ses descendants, la chair de sa chair et le sang de son sang ? Et pourquoi la famille serait-elle ainsi vénérée ? N'est-elle pas aussi le lieu de haute trahison et de mésentente séculaire ? N'est-ce pas en famille aussi que le pire, parfois, advient ? Dans Game of Thrones, la famille est devant et derrière l'écran. Il y a les Stark, les Lannister, les Targaryen et les Tyrell, les Baratheon et les Greyjoy qui vivent entre le Nord, le Conflant, les Terres de la Couronne et les Îles de Fer, le Haut-Jardin et la Principauté de Dorne. Mais il y a vous aussi, qui regardez avec votre frère, votre fille ou qui sais-je encore en famille, qu'elle soit de sang ou de choix, vous qui regardez depuis 2011 ou depuis le mois dernier, cette série éclore sous vos yeux et qui attendez comme le Messie la dernière saison qui sera sur nos écrans le 15 avril prochain. John Locke, Emmanuel Kant, Machiavel et Jean Kelevitch vont chevaucher cette semaine aux côtés de Ned Stark, de Jon Snow et de Tyrion Lannister. Alors en place, et que la guerre commence, en famille s'il vous plaît. Bonjour Sandra Logier. Bonjour. Quel plaisir d'entendre ce générique à nouveau. Ah, c'est magnifique. Vous avez hâte que la suite arrive, j'imagine. Bien sûr. On va essayer cette semaine, donc on fait toute une série sur Game of Thrones, en partenariat avec Philosophie Magazine qui sort un hors-série sur ce thème, de s'adresser aussi à ceux qui n'ont pas vu la série, car il y en a, et de montrer l'intérêt, sans doute philosophique aussi, de cette série. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dix six points à malentendu, je me mets à la place d'auditeurs qui se disent « Mais pourquoi est-ce que les chemins de la philosophie parlent de Game of Thrones ?» Pourquoi Sandra Logier, qui est professeure de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale, s'intéresse-t-elle à Game of Thrones ? Alors, je me suis depuis longtemps intéressée aux séries télévisées. Les séries télévisées sont vraiment un matériau philosophique extraordinaire, hein, autant que le cinéma, peut-être plus dans la mesure où les séries télévisées ont cette vision en famille, vous le rappeliez, hebdomadaire, donc s'inscrivent vraiment très, très fortement dans nos existences et donc ont aussi vraiment un impact très, très important sur nos conceptions et aussi nos idées morales. Hein. Et donc, les séries télévisées ont vraiment un rôle extrêmement important dans nos vies qui est tout à fait surestimé. Et bien entendu, il y a un certain nombre... Surestimé ou sous-estimé ? Sous-estimé, oui. Pardon. Merci. C'est surestimé, c'est moi peut-être, du coup. Et donc, c'est vrai que certaines séries télévisées cultes, comme The Wire, par exemple, qui avait vraiment quelque chose de très intellectuel, hein, ont été vraiment respectés par beaucoup de critiques. Mais je crois qu'il est très important de se rendre compte à quel point des séries télévisées très populaires, comme Game of Thrones, comme autrefois, par exemple, Buffy contre les vampires, hein, qui est peut-être la seule à avoir eu le même type d'importance et d'impact sur le public, ces séries télévisées vont vraiment avoir une place dans nos existences, y introduire donc des valeurs et du coup, en effet, vont avoir une pertinence philosophique. Et c'est un matériau qui est tellement riche, qui est tellement écrit, tellement pensé, c'est vrai qu'il mérite vraiment d'avoir la même attention que celle qu'on a accordée au XXe siècle au cinéma. C'est vrai que l'art philosophique du XXe siècle, c'était le cinéma. L'art philosophique du XXIe siècle, c'est les séries télévisées. Mais donc, art philosophique, ça veut dire que c'est pas seulement comme fiction que vous réfléchissez aux séries en général, c'est aussi comme renseignement délivré sur nous-mêmes. Je crois que c'est vraiment, bien sûr, des informations, des connaissances qui nous sont délivrées sur le monde. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très clair pour les séries hein, depuis un moment, mais aussi, bien entendu, sur nous-mêmes, puisque en regardant une série, ben, comme Game of Thrones, ouais. En s'attachant à des personnages, en les voyant évoluer dans un cas comme celui-ci, près de 8 ans. Hein, 2011, donc, ouais, le début de la série. Donc vraiment sur une très longue durée de nos vies. Et je pense à des séries aussi auxquelles on a consacré beaucoup d'années les uns et les autres, hein, comme Urgence, comme Buffy, j'en parlais, donc comme Friends. En réalité, c'est vraiment quelque chose qui finalement nous a formés. Hein. Il y a vraiment une sorte de formation à la fois intellectuelle, morale, par les séries qui comptent pour nous. Et ce phénomène, il est bien sûr décuplé pour Game of Thrones parce que c'est peut-être la série qui a réussi en fait à avoir une place extraordinaire, que ce soit dans les vies individuelles des spectateurs qui la regardent et puis aussi dans la société comme sujet de conversation, comme lien entre les personnes à l'intérieur des familles, vous le disiez, mais aussi entre amis et entre générations. Et donc du coup, c'est un véritable phénomène aussi en tant que vraiment lien créé entre les personnes. On va prendre au sérieux cette série cette semaine en abordant quatre questions morales soulevées par Game of Thrones, qui en soulève beaucoup. C'est quand même une série qui dérange, qui semble n'avoir aucun tabou, où l'on voit des viols, des incestes, des détronations, si le terme existe. Enfin bref, il n'y a aucune limite. Et on va s'interroger sur la violence, sur la morale, sur le rôle de l'aventure aussi. Et aujourd'hui, pour commencer, la famille. Car c'est vrai, Game of Thrones, c'est une série qui met en scène différentes familles qui s'affrontent, en fait, pour avoir le pouvoir. Si il fallait résumer en une phrase la série, ce serait celle-ci. Je crois que c'est vraiment cela qui résume la série. Hein. C'est vraiment le pouvoir et la famille. Hein. C'est vraiment les deux grands axes. Hein. Un acteur de Game of Thrones disait que pour résumer la série, les deux mots étaient nichon et dragon. Moi, je dirais que c'est plutôt famille et pouvoir. Et les familles, ce sont dans la série des houses. Hein. Donc c'est des maisons, hein, en fait. C'est aussi une maison. Donc il y a vraiment aussi cette question à la fois du territoire. Et puis de la domesticité. Et bien sûr, on a des familles qui se disputent le pouvoir. Et donc, la question qu'on a, évidemment, au fil des années, pour la dernière saison, c'est quelle famille, donc quelle maison va récupérer le trône de fer. Mais cette question, elle s'est un peu réduite dans la mesure où chacune de ces familles, maintenant, est réduite à deux ou trois personnes, hein, en réalité. Parce que les personnages meurent beaucoup, voilà. Très vite. Et parce que en réalité, les familles donc s'attaquent entre elles, se déciment entre elles, et parfois les familles se détruisent aussi de façon interne. Donc on a deux modes de destruction des familles, avec bon évidemment le fameux épisode du massacre de la famille Stark, hein, qui a quand même été vraiment le... Enfin, je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, qui a été vraiment peut-être un moment traumatique pour beaucoup de spectateurs. Bah, faut quand même le dire qu'on suit une famille, on va l'entendre dans un instant, dès le début de la première saison du premier épisode, la famille Stark, auquel on s'attache. 9 épisodes plus tard, les scénaristes déciment quasiment intégralement cette famille. Là, le ton est donné. Il nous en reste que 3, en fait. Donc, peut-être 4 si on compte Jon Snow, bien que, justement, la dernière saison ait fait apparaître qu'il est entre plusieurs familles. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment autour de ces familles qui est construite entièrement l'histoire. Et c'est vraiment cela qui permet... justement, toute l'originalité dont vous parliez, hein, à la fois la violence, le côté un peu déviant, l'émergence aussi de personnages féminins forts, tout ça vient du fait que c'est centré sur la famille. Alors, on va faire connaissance, sans plus attendre, de la famille Stark. Voici l'arrivée du roi au début de la saison 1 de Robert Baratheon, qui arrive à Winterfell, le lieu où habitent les Stark. Il est accompagné des Lannister. Chacun va se présenter. Vous allez voir tour à tour hein, les membres de la famille Stark, et vous allez voir que déjà est émise l'idée d'une individualité différente au sein de la famille, puisque la petite fille s'interroge sur la présence ou non du gnome, à savoir le nain qui fait partie des Lannister. Écoutez. Look, Grace. You've got fat. Majesté. Tu as engraissé. Quatre. Majesté. 9 ans, Ned. Pourquoi ne t'ai-je pas vu? Où diable étais-tu passé? Je gardais le Nord pour vous, Majesté. Winterfell est à vous. Où il est, le gnome? Tu vas la fermer? Voyons qui est qui. Toi, tu dois être Rob. Ah, et c'est toi qui es la toute belle. Et toi, tu t'appelles? Arya. Oh. Montre-moi tes muscles. Tu seras un soldat. Lui, c'est Jaime Lannister, le frère jumeau de la reine. S'il te plaît, tu vas la fermer. Ma reine. Ma reine. Emmène-moi à ta crypte. Je souhaite m'y recueillir. Nous chevauchons depuis un mois entier, mon amour. Je suis sûre que les morts peuvent t'attendre. Ned. Où est le gnome? Où est passé notre frère? Retrouve-moi ce petit mal élevé. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Game of Thrones cette semaine. Aujourd'hui, de la famille. Serait-elle notre meilleur ennemi? Pouvons-nous échapper à notre famille? C'est la question qui est soulevée par chaque épisode de Game of Thrones en compagnie de la philosophe Sandra Logier. Quelques mots sur cette famille Stark. Donc, nous venons de rencontrer Rob, Sansa, Arya et Bran. Sandra Logier. Et on voit donc tous ces enfants à Stark et on voit que d'ailleurs cette famille va évidemment être constituée aussi dès la première saison par la mort traumatique et violente de Ned Stark, mais qui reste vraiment une sorte de figure tutélaire toujours présente. Hein. C'est assez extraordinaire de voir à quel point, même absent, il continue à régner aussi sur cette famille, sur la série. C'est un personnage vraiment marquant par aussi sa façon d'être, sa prestance. Et ça, c'est intéressant de voir comment l'incarnation, dans cette scène justement, c'est vrai qu'on voit comment l'incarnation par un acteur d'un personnage va en réalité lui donner une sorte d'épaisseur qui va être liée à sa façon d'être et qui va en réalité fixer l'attachement du spectateur, de la spectatrice au personnage. Et donc Ned Stark, c'est pas seulement parce qu'il meurt de façon tragique, mais parce qu'il a en quelques mois finalement construit ce personnage justement dans la même scène. Par exemple, quelqu'un lui demande s'il veut pas aller se changer et il jette une espèce de regard méprisant à cette personne qui vraiment exprime en réalité tout ce qu'il est. Et donc, évidemment, c'est la famille Stark, c'est Ned Stark. Et les seuls qui restent, donc au bout de cette saison précédente, c'est Sansa, Bran et Arya, bien sûr. Et à la fin de la 7e saison, eh bien, les mots que chacun, en tout cas tous ceux qui ont vu cette dernière saison, donc les mots dont ils se souviennent, c'est Arya disant « A girl is Arya Stark », donc cette fille c'est Arya Stark et je rentre à la maison. Et donc il y a vraiment cette espèce de fermeture sur ce début, sur vraiment Arya qui est en réalité la véritable héritière de Ned, c'est elle qui va reprendre le flambeau de la famille et qui décide de rentrer à la maison. Alors avant d'aller plus loin, un mot quand même sur tous ceux qui sont en train de se dire qu'on est en train de divulgâcher, comme disent les Québécois, de spoiler cette saison. Nous sommes obligés d'en parler, les épisodes existent, et révéler, et ça je crois que vous le pensez aussi Sandra Logier, révéler quelque chose de la série ne gâche en rien le plaisir que nous avons à la regarder, voire même à la découvrir. Ah, je crois qu'il y a une sorte de tyrannie du divulgachage, du spoiler depuis un moment, qui est quand même globalement très infantilisante hein, par rapport justement à ce qui nous est offert. Hein. Je pense pas qu'on parlerait de divulgachage à propos d'un film de Hitchcock dont on sait très bien comment il finit, ou de La Dernière Tentation du Christ, ou de Narcos par exemple, qui est une série géniale sur Pablo Escobar, et on sait comment ça finit. Donc je pense que l'intérêt d'une série, c'est justement cette espèce de tension, d'épaisseur des personnages, c'est la façon dont l'histoire est construite, et en réalité, chacun sait que, même s'il sait plus ou moins ce qui va se passer, le suspense, l'attente est la même. Donc, c'est vraiment un phénomène aussi propre aux séries. Et donc, quand je vois effectivement voilà, toute cette obsession, je pense qu'on se, voilà, on se prive de... On se prive de beaucoup de plaisir. Après, bien sûr, certaines séries sont vraiment fondées sur une sorte de... Voilà, sur une révélation, certains films aussi, hein, d'ailleurs. Donc, parfois, il y a des choses qu'on peut vouloir, hein, en effet, cacher. Pour maintenir le suspense, on va faire un tout petit pas de côté, mais qu'en fait, une manière de plonger encore plus dans la série. Cette série, on l'a dit, a commencé en 2011. Elle est l'adaptation d'un roman, d'un texte absolument fabuleux, écrit par George R. R. Martin, qui a écrit Le Trône de Fer, donc qui paraît en intégrale, dont la fin n'est pas encore advenue. Il a été scénariste jusqu'en 2014, et puis le chemin de la série, le chemin du roman se sont écartés, se sont éloignés. Je vous propose d'entendre quelques lignes de cette rencontre que nous venons d'entendre dans la série. Cette fois-ci, voici comment l'écrivain lui-même, George R. R. Martin, décrit cette scène. Écoutez la plume, la langue, et puis en plus, lui-même va nous donner des éléments pour comprendre la mise en place de la série. Ned, quel bonheur de revoir ta gueule de croque-mort. Le roi l'examina de la tête aux pieds, et dans un éclat de rire tonitrua, pas changé du tout. Ned eût été fort en peine d'en dire autant. 15 années s'étaient écoulées depuis les chevauchées, botte à botte, pour la conquête du royaume. Toujours rasé de frais à l'époque, le sire d'Accalmie avait l'œil clair et des muscles issus tout droit d'un rêve de pucelle. Haut de 6 pieds et demi, il dominait son monde, et, une fois revêtu de son armure et coiffé du grand aume fêté d'andouillé de sa maison, devenait vraiment gigantesque. Sa force ne l'étant pas moins, son arme favorite était une masse de fer hérissée de pointes que Ned pouvait à peine soulever, et de sa personne émanait, en ces temps lointains, des relents de cuir et de sang, aussi entêtants qu'un parfum. À présent, le parfum qu'il répandait était du parfum, et son ampleur nécessitait une sous-ventrière. Il avait au moins pris 100 livres depuis leur dernière rencontre, 9 ans plus tôt, lorsque le cerf et le loup-garou s'étaient unis pour mater la rébellion de Balon Greyjoy, roi autoproclamé des îles de fer. Maintenant, une barbe aussi rêche et noire que du fil de fer s'efforçait de dissimuler le double menton et l'affaissement des bajoux. Mais rien ne pouvait camoufler la bedaine, pas plus que l'œdème qui bistrait le pourtour de ses yeux. Je pense qu'écrire, c'est ressentir des émotions fortes. Je veux que vous ayez peur lorsque je mets mes personnages dans des situations effrayantes. Lorsqu'un personnage meurt, je veux que vous soyez en deuil comme vous le seriez pour un ami ou un être aimé, quelqu'un de votre famille. Transmettre ce type d'expérience à autrui est vraiment mon but en tant qu'écrivain. Si je décris un festin, je ne vais pas juste dire « et ils firent un festin ». Je veux que vous sentiez la nourriture et la goûtiez, qu'elle soit délicieuse ou mauvaise. Et si c'est une joute, je veux que vous soyez pris par l'excitation de savoir qui va gagner. Si c'est une scène de sexe, je veux que cela vous excite. Je ne veux pas seulement qu'on lise mon travail, je veux qu'on le vive. Je pense que lire, c'est ressentir l'expérience d'autrui. Je ne veux veux pas seulement qu'on lise mon travail, je veux qu'on le vive. C'est George R. R. Martin sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Donc l'écrivain, celui, l'inventeur, alors Game of Thrones, c'est la série, le Trône de Fer, c'est le roman. Donc j'ai dit, il est devenu scénariste. C'est fascinant de l'entendre parler de son travail, hein, Sandra Logier. Oui, c'est fascinant. D'ailleurs, tous les lecteurs du roman ont été spoilés. De toute façon, dès le départ, ça les a pas empêchés d'apprécier la série. Mais c'est vrai que c'est une conception déjà très, très originale de la littérature en tant que, justement, créatrice de personnages et d'émotions liées à ces personnages. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu après cette ambition d'en faire une série. Et il y a vraiment l'idée aussi que la littérature va pas être quelque chose d'abstrait quelque chose qui aurait sa propre fin autotélique, mais qui serait en réalité destiné à susciter en effet des émotions, un attachement dans le public. Et c'est vraiment ça qui permet en fait à la série, y compris, de continuer après que l'inspiration, puisque au bout d'un moment, il n'est plus arrivé à suivre, finalement, à produire pour suffisamment vite pour la série. Et ce qui est incroyable, c'est que les personnages construits à partir du roman, on le voit pour la description tellement fine de Ned Stark, ces personnages continuent, alors pas Ned puisqu'il meurt, mais les personnages continuent à avoir leur propre vie en fait, parce que ils ont été élaborés, écrits dans la série. Oui, et puis là il nous délivre les secrets même de son écriture. Il dit, je ne veux pas simplement que vous lisiez ce que j'écris, mais que vous le viviez. Mmh. Quand il y a un festin, je veux que vous sentiez la nourriture, vous puissiez la goûter. Quand il y a une scène de sexe, je veux que soyez excités. Et il explique aussi par là pourquoi les personnages meurent aussi vite et de manière aussi brutale. C'est parce que, comme vous le disiez, on s'en souvient, on s'est attaché, on se souvient d'eux après, même une fois qu'ils sont morts. Ils continuent à exister, comme beaucoup de grands personnages de films ou de séries, qui continuent à exister pour nous, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est vraiment aussi une certaine conception de la littérature, qui n'est pas le seul à partager, qui peut paraître subversive par rapport aux amateurs de littérature pure, mais qui est vraiment cette idée de penser, en fait, à susciter des émotions, mais pas de façon... C'est quand même de l'écriture, donc c'est une émotion liée, malgré tout, à la finesse, en fait, de la description, et c'est ça qui en fait quelque chose d'intéressant. Alors, avant d'en arriver à un prochain extrait, nous avons dit deux mots des Stark. Présentez-nous les Lannister, Sandra Logier, les terribles Lannister. Alors, c'est en effet la deuxième famille qui est peut-être la plus étonnante, disons, puisque c'est une famille qui a également un patriarche, Tywin, et puis toute une série d'enfants, dont des personnages qui sont devenus petit à petit extrêmement centraux, comme Cersei, Jamie, et puis bien sûr Tyrion, donc le nain, le gnome, comme disait Arya, qui est en réalité détesté absolument par sa sœur, Cersei. Donc cette haine qui est vraiment quasiment une haine jusqu'à la mort, va un désir de mort, puisque Cersei pense que de toute façon aussi Tyrion veut sa mort, enfin il y a cette relation-là, fait que ça va être une famille qui est extrêmement dysfonctionnelle, on va dire, qui est aussi une famille incestueuse, puisque dès le premier épisode, on voit Jaime et Cersei en pleine activité sexuelle. Donc, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Ils sont amants. Cela dit, dans beaucoup de familles, en fait, dans Game of Thrones, le fait de se marier entre frères et sœurs, c'est aussi une tradition. Ben là, c'est le propre des Lannister. Il y a quelque chose d'une volonté de préserver la pureté du sang. Là, c'est quelque chose qui est vraiment aussi dans cette volonté de pureté, mais la relation de Jaime et Cersei n'est pas officielle, alors qu'il y a eu aussi dans la famille des unions officielles entre frères et sœurs, avec en effet cette dimension extrêmement élitiste, aristocratique de l'inceste frère-sœur. C'est vraiment quelque chose qui est classique, que vous trouvez chez Moselle, ou vous trouvez ça dans la littérature. Donc il y a vraiment cette relation qui est assez fondatrice, puisque elle donne aussi une série d'enfants, d'ailleurs qui meurent les uns après les autres, qui sont quand même extrêmement cruelle, et surtout elle va vraiment en fait mettre au centre aussi de la série des figures maternelles, parce que Cersei c'est vraiment peut-être un personnage qui parfois est peu sympathique, mais qui a quelque chose de peu grandiose. Sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est absolument terrifiante, Sandra Logier. Oh, mais elle a aussi des côtés attachants hein, malgré tout. De toute façon, les séries télévisées c'est vraiment l'outil, le média qui nous a conduit les uns et les autres à nous attacher à des personnes assez monstrueuses finalement. Hein. C'est ça aussi hein, depuis le début, c'est l'intérêt de ces œuvres. Et en tout cas, Cersei, c'est vrai qu'elle reste extrêmement fascinante, et elle est vraiment extrêmement protectrice de ses enfants, même si elle ne réussit pas à les protéger. Et donc ça, c'est vraiment un point fort. Alors ça vaut pour cette famille comme d'autres, hein. Ben ça vaut pour Daenerys, hein, on en parlera évidemment, qui est très attachée à ses petits dragons, et Catelyn Stark. Donc le fait que ça soit des séries centrées sur la famille, paradoxalement, alors qu'on dit souvent que la famille va être le lieu donc de la tradition, du patriarcat, en réalité, le fait que ça soit la vie privée aussi, le cercle familial qui soit en vedette, va permettre en fait aux femmes d'y avoir, et aux mères aussi, donc notamment à des personnages de femmes âgées, ce qui n'était pas trop le cas avant dans les séries, d'avoir vraiment une espèce de place fondatrice et très visible. La place fondatrice et très visible revient aux femmes, mais aussi, comme on le dit, aux marginaux. Hein, on a vu qu'il y avait un nain chez les Lannister, il y a un bâtard chez les Stark, c'est Jon Snow. Les Lannister sont aussi blonds que les Stark sont bruns. D'un côté, le lion qui rugit, de l'autre, les loups hein, qui gardent le territoire, et surtout en hiver. « Winter is coming », c'est la phrase qu'on entend dès le début et qui revient sans cesse. Après 15 ans de printemps ou d'accalmie, l'hiver revient. C'est pour ça que les Stark sont au centre de la série, en tout cas dès le début à Winterfell. Ils doivent protéger leur territoire, ils ne vont pas y parvenir. Écoutez la rencontre entre, justement, la première rencontre, juste après la scène qu'on a entendue en début d'émission, entre Jon Snow, qui est à ce moment-là du film, on comprendra après que c'est plus compliqué que ça, le bâtard de Ned Stark, donc il l'aurait eu avec quelqu'un d'autre, et puis le nain, le gnome, selon les appellations, Tyrion Lannister, qui lui est plutôt fier de ce qu'il est et apprend véritablement à Jon Snow à être fier de sa différence. Écoutez-les. What are you doing back there? Preparing for a night with your family. You're Tyrion Lannister. Qu'est-ce que vous faites là? Je me prépare pour une soirée avec ta famille. Vous êtes Tyrion Lannister, le frère de la reine. Ma plus remarquable prouesse. Et toi, tu es le bâtard de Ned Stark, n'est-ce pas? Je t'ai offensé, désolé. Mais tu es quand même le bâtard. Lord Eddard Stark est mon père. Et Lady Stark n'est pas ta mère, ce qui fait de toi le bâtard. Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Porte cela comme une armure. Et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser. Qu'est-ce que vous savez de ce que ça fait d'être un bâtard? Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Et oui, ici c'est Tyrion qui s'identifie lui-même au bâtard. Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père, qui le déteste. Hein, le père de Tyrion Lannister le hait absolument, il veut s'en débarrasser. Cette phrase va nous accompagner jusqu'à la fin de la série, enfin... La fin qui n'est pas encore arrivée, Sandra Logier. N'oublie jamais qui tu es, fais-en une armure et nul ne pourra l'utiliser pour te blesser. C'est un peu la philosophie de cette série vis-à-vis des personnages. C'est vraiment l'idée que chaque personnage va avoir une vulnérabilité, et qu'il faut construire en effet une défense. Et cette idée d'armure, là, elle est très forte. Hein, elle définit bien sûr Tyrion, puisque c'est un personnage donc qui est un nain en effet, et qui arrive vraiment à développer une personnalité extraordinaire, qui apprécie la vie, qui a vraiment toutes sortes de plaisirs et de capacités dans son existence, donc qui est vraiment aussi interprété par un acteur extraordinaire, qui est quand même le premier, Peter Dinklage, à avoir été en tête d'un générique donc pour une série télévisée, hein. Pour un film, donc ça, c'est vraiment aussi une série qui promeut en réalité les personnes différentes de toutes sortes. Et en cela, elle a vraiment une puissance démocratique et inclusive très forte. Donc on a Tyrion, on a quand même Bran qui, dès le départ, est aussi handicapé. Donc le petit frère de la famille Stark qui surprend Jaime et Cersei en pleine ébat sexuelle, donc le frère et la sœur, et qui est poussé par Jaime, justement pour ne pas qu'il divulgue le secret. Voilà, et il survit. Et on a toutes sortes de personnages avec des difformités ou des handicaps dans la série. Chacun se souvient de Hodor, par exemple. Chacun se souvient de Clegane aussi, qui est défiguré. Donc, finalement, il y a très peu de personnages qui ont cette espèce de belle normalité qu'avaient Ned Stark et Robb. On a même Brienne, qui est un magnifique personnage, a quand même quelque chose à cause de sa taille. Donc un personnage féminin qui fait plus d'1m90. Voilà, elle a aussi, c'est vraiment un personnage magnifique, mais qui est singulier. Donc en réalité, on a énormément de personnages qui sont différents, et je crois que ça a été vraiment une ambition de la série, à la fois de promouvoir en fait cette force même de la différence, et puis également de promouvoir des femmes. Pourquoi vous dites démocratique ? Vous pensez qu'il y a une dimension politique ? Il y a forcément une dimension politique si on considère que la démocratie, c'est pas seulement un régime politique, et en tant que régime politique, elle est parfois discutée dans Game of Thrones, mais pas très souvent. On est quand même dans un système qui est pas extrêmement démocratique. Le seul moment démocratique, c'est quand Daenerys, la princesse, a décidé de libérer les esclaves. Et il y a parfois une des discussions. C'est une autre famille. Les Targaryens, qui seraient censés être les héritiers légitimes du trône, dont il ne reste assez rapidement que Daenerys, qui va enfanter de 3 dragons. Voilà. Maintenant 2, un troisième, le troisième a été tué, mais est devenu méchant. Donc du coup, si on reste avec ces 3 familles, effectivement, on s'aperçoit quand même que, bien sûr, il y a les combats, le pouvoir politique, la politique affaire de pouvoir, mais la politique, c'est pas seulement cela, et la démocratie, c'est aussi, en fait, cette capacité à donner de la place de façon égale à toutes sortes de personnes. Et donc c'est en ce sens en fait que y a cette dimension démocratique dans cette série qui en fait vraiment un outil très fort pour faire reconnaître chaque personne comme étant égale, étant capable autant que les autres en fait d'avoir une voix dans son destin. Et je pense que c'est ça aussi le message politique de la série. C'est pas seulement Hobbes, l'espèce de combat de tous contre tous. Il y a aussi, heureusement, et comme c'est le cas dans beaucoup de séries polyphoniques, mais celle-là certainement plus que les autres, il y a vraiment cette idée de l'égalité des voix, même si il n'y a pas une égalité des conditions et qu'on est dans un univers qui est effectivement extrêmement violent et inégalitaire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quel rôle la famille peut-elle jouer dans l'ascension individuelle? On a entendu en tout début d'émission la voix d'une femme qui était celle de Diane Harry. Peut-être l'auriez-vous reconnue. C'est extraordinaire. En version française en plus. Donc, faut connaître le doublage de Diane Harry qui dit « Moi, pour maintenir ma famille, j'ai tout fait, tous les moyens étaient bons, mais je ne regrette rien, je n'ai pas d'insomnie car tout était nécessaire. » C'est la famille des Tyrell qu'on retrouvera un peu plus tard dans la suite de la série. À l'opposé, ou plutôt pour un peu se poser la même question de savoir est-ce que tous les moyens sont bons pour préserver sa famille, si on revient chez les Lannister, parce qu'on a commencé quand même à faire leur connaissance, par souci de compréhension, on va s'en tenir aux familles principales aujourd'hui en tout cas, le père des Lannister qu'on a déjà un peu rencontré, qui est la main du roi, lui n'hésite pas du tout à sacrifier son propre fils, qu'il tient pour l'assassin de son petit-fils. Car si on avance dans la série, à la saison 4, Jaime, qui est le fils de Cersei et de Jaime, qui a accédé au trône et qui allait épouser Marjorie, se fait assassiner pendant ses noces, en réalité. Et donc tout le monde est persuadé que c'est évidemment le nain, le méchant, le difforme qui a commis le crime. Le père a-t-il un droit de vie de mort sur son fils? Bah, je vous propose qu'on écoute d'abord la réponse de John Locke, qui a écrit sur le sujet, et ensuite l'extrait où Jamie va se sacrifier littéralement pour que son père ne tue pas son frère. Le père n'exerce sur ses enfants qu'une autorité temporaire, qui n'atteint ni leur vie, ni leur bien. Il s'agit au plus d'une aide à la faiblesse et à l'imperfection de leur minorité, d'une discipline nécessaire à leur éducation. Dès que les enfants ne risquent plus de périr dans le besoin, le père peut disposer de ses propres possessions comme il l'entend. Mais son pouvoir ne s'étend pas à la vie de ceux qu'il a engendrés. L'empire du père cesse alors. You condemn your own son to death. I've condemned no one. The trial is not over. This isn't a trial, it's a farce. Cersei has manipulated everything and you know it. Vous condamneriez votre propre fils à mort. Je ne condamne personne, le procès n'est pas terminé. Ce n'est pas un procès, c'est une farce. Cersei manipule tous les témoins et vous le savez. J'ignore tout de ce genre de choses. Vous avez toujours haï Tyrion. Il a tué son roi. Comme moi. Savez-vous quel est le dernier ordre que m'a donné le roi fou? Lui apporter votre tête. Je vous ai sauvé la vie pour que vous mettiez à mort mon frère. Ce n'est point une mise à mort, c'est justice. Justice? J'exerce le devoir sacré qui m'incombe comme main du roi. Si Tyrion est déclaré coupable, il sera puni en conséquence. Il sera exécuté. Il sera puni en conséquence. Un jour, vous avez dit, seule la famille perdure. C'est tout ce qui perdure. Vous me parliez d'une dynastie qui régnerait 1000 ans. Qu'adviendra-t-il de votre dynastie si Tyrion meurt? Je suis un garde royal. Par serment, je ne puis poursuivre la lignée familiale. Je suis bien au fait de ton serment. Que deviendra votre nom? La bannière au lion, qui la portera dans les batailles? Vos neveux? Lancel Lannister? D'autres dont même le nom ne m'est pas familier? Qu'adviendra-t-il de ma dynastie si jamais le meurtrier de mon petit-fils est gracié? Elle vous survivra à travers moi. Je quitterai la garde royale. Je reprendrai ma place de fils et d'héritier si vous laissez la vie à mon frère. Accordé. Après les témoignages viendra le verdict. Il sera déclaré coupable et aura la possibilité de s'exprimer. Il demandera grâce et moi je consentirai à son départ pour la garde de nuit. Dans 3 jours, il partira pour Château Noir et finira ses jours sur le mur. Tu ôteras ta cape blanche sur le champ. Tu quitteras Port-Réal pour assumer le rang qui est le tien à Castral Rock. Tu épouseras une femme convenable et perpétueras le nom de la maison Lannister. Et tu ne tourneras plus jamais le dos à ta famille, est-ce clair? L'empire du père cesse dès lors que son fils est en âge de vivre seul, dit John Locke en substance. Un texte que, de toute évidence, aucun des personnages de la série n'a lu, puisque c'est tout l'inverse. Les pères exercent un pouvoir de vie et de mort sur leur enfant, comme ici Tywin Lannister, qui est prêt à tuer Tyrion, dont il ne doute pas un instant qu'il soit l'assassin de son petit-fils, même en fait, peu importe sa culpabilité, il est né difforme, là, et sa première culpabilité, Sandra Logé. C'est l'occasion de se débarrasser de lui, finalement, et c'est assez monstrueux, toutes ces scènes donc du procès de Tyrion, où on voit sa famille, en effet, absolument se retourner contre lui, et même si, on a vu, il est assez résistant moralement, là, disons qu'il y a quand même un moment où on est, en effet, assez révolté, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point en fait cette discussion entre Tywin et Jaime montre en effet ce pouvoir patriarcal qui est vraiment le point de départ en fait de cette série. Hein. Chacune des familles, des maisons a un chef, donc on a Ned, Tywin même au départ aussi dans la famille Targaryenne. Et comment en réalité ce patriarcat va être détruit de différentes manières, hein, puisque Ned et Tywin vont avoir une mort violente et ensuite on va voir Catelyn Stark qui va reprendre le flambeau bon brièvement mais qui est vraiment une femme extrêmement un personnage féminin très fort on a Cersei et donc finalement si on accepte cette idée qui est parfois suggéré par la lecture de Locke que la famille est aussi un modèle politique, hein, où donc oui, c'est ça l'idée présupposée par Locke. Le père, oui, le père va en effet régner sur sa famille un peu comme un souverain, donc sur son peuple. De fait, on a vraiment une sorte de déconstruction de ce modèle-là dans la série elle-même, hein, puisque les femmes vont en réalité prendre le pouvoir et mettre fin à toutes ces dynasties. Je pense que c'est vraiment un des éléments intéressants. Alors oui, aussi, avant d'en revenir au rôle des femmes dans la série, oui. Un instant encore sur le texte de Locke, parce que jusqu'où tient la comparaison entre un pays et une famille? Jusqu'où un père peut-il se comporter avec ses enfants comme un souverain le fait avec son peuple? C'est ce qui se passe, en fait, dans la série. Pourquoi est-ce un problème, Sandra Logier? Eh bien, justement, c'est évidemment un problème, puisqu'on peut aussi imaginer un modèle politique où, précisément, il n'y a pas, en fait, cette domination d'un souverain. Et en réalité, exactement comme vraiment le statut d'un citoyen va émerger parce que on va aussi en finir avec cette idée du droit de vie et de mort. De même, bien sûr, hein, il y a aussi cette mise en cause de ce modèle familial, en fait. Donc c'est intéressant puisque, bien sûr, la famille est depuis Locke et probablement avant, est vraiment aussi le lieu de la réflexion sur la démocratie, le pouvoir politique, l'État. Le meilleur exemple qu'on a de cela hors série télévisée, c'est le modèle que propose Tanné Cavell à propos des comédies du remariage, où le mariage est donc aussi une forme de représentation de la société en tant que telle, et où donc la façon dont la femme dans ces comédies du remariage va demander une voix égale va en réalité avoir une implication politique générale quant à la nécessité pour chacun en fait d'avoir une égalité dans la famille. Et c'est ça l'intérêt justement de prendre la famille comme modèle et comme structure centrale, c'est aussi de montrer finalement comment l'égalité va pouvoir se constituer. Donc la famille est une sorte de laboratoire aussi de la République, de la démocratie, parce que à l'intérieur de chacune de ces familles, eh bien, on va avoir des revendications très fortes, que ce soit de la part des nains, des femmes, des enfants handicapés, à vraiment avoir une relation à égalité finalement avec les adultes. Donc la famille devient en effet un lieu vraiment d'émancipation, ce qui est vraiment tout le contraire finalement de la façon dont on l'imagine très souvent. Et c'est ça l'astuce aussi de Game of Thrones, hein, justement en construisant tous ces personnages puissants et importants qui vont être à égalité pour nous. Alors ça c'est délicat comme sujet, parce que il y a une lecture de Game of Thrones qui conçoit cette série comme étant absolument anti-féministe, comme étant absolument anti-égalitariste et comme étant le règne du patriarcat, des scénarios écrits uniquement par des hommes, produits par des hommes, où les femmes sont célébrées pour mieux finalement les considérer en tant qu'objet. Que répondez-vous à cela, Sandra Logier? Alors ça a été vraiment un sujet extrêmement controversé toutes ces dernières années, hein, et beaucoup de féministes, et je les comprends tout à fait, hein, sont très très opposés à cette série, surtout durant certaines saisons, où il y a eu des scènes de viol extrêmement violentes, carrément insupportables. Et puis surtout viol, évidemment, c'est énorme, mais même l'esthétique globale, avec très souvent une sorte d'arrière-plan de femmes à poil qui crée finalement une sorte de décor dans beaucoup de scènes, hein, où des hommes parlent au premier plan, c'est quelque chose qui est proprement insupportable, hein. Donc bien sûr, hein, c'est des bons arguments. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des scènes extrêmement violentes à l'encontre des hommes aussi, hein. Il y en a qui ont fait subir les pires mauvais traitements. Hein, on assiste à une émasculation. Voilà, donc ce qui n'arrive pas tous les jours, hein, dans les séries télévisées. Ensuite, on a quand même vraiment aussi ces personnages de femmes qui émergent petit à petit, qui sont extrêmement forts. Hein. On a parlé de Brienne de Tote, on a parlé de Arya. En fait, c'est des rôles modèles, comme on dit maintenant, pour des femmes et pour les hommes aussi. Hein. C'est là qu'on voit qu'une série est féministe, en fait. C'est quand les femmes sont des modèles, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. C'était le cas pour Buffy, par exemple. Et là, on a vraiment une série où voilà, les femmes sont des modèles. Et puis, c'est vrai que je crois que malgré tout, la production, comme ils sont quand même assez prudents en général, hein, les producteurs, entendu un peu les critiques, et que donc dans cette dernière saison, espérons dans la prochaine, peut-être qu'on aura beaucoup de violence, mais est-ce qu'elle sera moins orientée sur les femmes, hein? C'est vrai qu'il y a moins de sexualité, il y a une espèce de, j'ai l'impression, de réflexion qui fait que il y aura peut-être moins de critiques. Cela dit, il y a eu énormément en effet d'attaques féministe contre la série, et elle mérite vraiment d'être entendue. Là, on va écouter la voix d'Arya Stark. Donc, on en revient à ce personnage qui est vraiment incroyable. Ouais. Hein. C'est un personnage qui ne ressemble à aucun autre dans l'histoire de la fiction. Cette petite fille, donc, qui voit son père tué devant ses yeux, qui voit sa mère tuée devant ses yeux, et qui va quitter sa famille, vivre seule, aidée par quelqu'un, à l'aide de sa petite épée, qui est vraiment sa meilleure compagne, qui va vivre des choses absolument incroyables, et qui, au début de la saison, quand son père lui dit de manière très condescendante qu'elle deviendra une femme qui s'occupera de son domaine, lui répond tout simplement non. Now the Bran's awake, will he come live with us? Well, he needs to get his strength back first. Maintenant que Bran s'est réveillé, va-t-il venir vivre avec nous? Eh bien, il lui faut tout d'abord recouvrer ses forces. Il veut devenir chevalier de la garde du roi. Il ne le peut plus maintenant. Non. Mais il pourrait un jour devenir le seigneur d'une place forte, ou siéger au conseil du roi. Il pourrait faire construire des châteaux, comme Brandon le bâtisseur. Je pourrais, moi aussi, être seigneur d'une place forte. Toi, tu épouseras un grand seigneur. Tu régneras sur son château. Et tes fils seront chevaliers, princes et seigneurs. Non. Ce n'est pas pour moi. Bon, le doublage en français est moins convaincant que la voix hein, du personnage d'Arya Sandra Legier, mais quand même, mais non, ce n'est pas pour moi. Là, il faut vraiment la prendre au sérieux, parce qu'en effet, elle va s'éloigner au maximum. C'est une scène extrêmement marquante, hein, doublée ou pas, hein, puisque effectivement, Ned Stark est quand même un personnage très, très imposant, y compris pour le spectateur, et on est tenté de le prendre au sérieux quand il prédit Arya, justement, d'avoir tous ses petits princes et princesses, et c'est vraiment très beau ce moment où Arya, déjà, voilà, dès cette première saison, hein, c'est très tôt, donc lui dit, dit que de toute façon, ça ne l'intéresse pas, hein, ça ne l'intéresse pas d'avoir des enfants, d'avoir ce rôle-là, de se marier. Et je crois que ça, c'est quand même une affirmation féministe très forte, hein, parce qu'autant, effectivement, on a des personnages féminins forts dans beaucoup de séries, mais une petite fille qui va dire cela très tôt et également refuser la maternité, hein, je crois que c'est vraiment quelque chose de subversif. Et le fait que ce soit Arya, petit à petit, qui devienne quand même, avec le nain, le personnage principal, hein, là, au stade où on en est, hein, moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans la série, mais on en est à un stade où, effectivement, la fin de la dernière saison, c'est Arya qui veut rentrer chez elle, donc c'est le nain. Évidemment, on a les deux personnages plus glamour, Jon Snow et Daenerys, hein, qui ont aussi leur histoire, hein, et leur importance. Mais de fait, on a vraiment ces deux personnages qui portent, qui vont porter l'intrigue. Et l'intérêt d'Arya, c'est que c'est un véritable personnage tragique aussi, puisque bien sûr elle va perdre ses parents, et puis tout son itinéraire au moment où elle devient aveugle aussi, c'est vraiment un itinéraire de mort et de renaissance en fait. C'est vraiment dans la grande tradition shakespearienne, hein, donc de la découverte de soi-même, de la constitution du soi à travers une série d'épreuves absolument incroyables. Et l'intérêt de cette septième saison, c'est qu'on voyait vraiment tout ce que Arya arrivait à surmonter dans la construction de son destin. Et je pense que ça, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est un personnage tout à fait exceptionnel, comme on en a pas souvent. Oui, dans parce les qu'en séries. Plus le scénario montre qu'elle devient personne. Elle perd son identité. Oui. Elle a comme un masque qui lui permet d'être autre qu'elle-même, mais dans lequel elle se dissout complètement. Oui. Elle ne connaît plus son nom. Elle ne connaît plus son passé. Elle perd la vue. Oui. Elle apprend à se battre comme une guerrière redoutable. Oui. Et elle revient elle-même. Et elle redevient elle-même. Et elle revient à la maison. Il y a quand même toujours ce retour un peu homérique, hein, où il y a faut rentrer à la maison. On part de la maison, on y retourne. And I'm going home. Et parler en anglais. En tout cas, je rentre à la maison. C'est ce qu'elle dit. Et pendant tous les derniers épisodes, elle avait perdu son nom. Elle ne s'appelait plus que a girl, une fille, même pas la fille. Hein. Et à la fin, elle dit a girl, c'est Arya Stark. Et donc, je pense que ça, à la fois, c'est quand même une revendication. De son caractère de la fille, hein. Donc il y a vraiment cette dimension, malgré tout, malgré toutes les critiques, dimension féministe dans cette phrase « A girl is Arya Stark ». Et en effet, donc elle a, c'est elle qui va vraiment prendre la série en main à partir de maintenant. Merci Sandra Logier pour le plaisir. On écoute à nouveau le générique de Game of Thrones, générique légèrement remixé par Dominique Omega. C'est le hip-hop remix de Game of Thrones. All right, fuck it. Real talk, down low. I needed to do this song. Yo, I'm a nerd. Big secret, but I'm a nerd, and I love these books. If you watch it on HBO and think you know what's going on, I appreciate that. The people who waited 5 years for Dance, this one's for you. Check it. Yo. On the real, your boy is a hip-hop player, but for this joint here, I play the role of King Slayer. See toe-to-toe, blow for blow, we can fight G, but word to Jamie, there are no other men like me. This industry is in a roughed-up state, cats front so tough, you call the bluff they fake, and we all know it too, we just love to pretend. Use my tongue as a sword, slice them with a pointy end, and friends can turn to enemies in an oblink. My click together firm like a master's chain link. We got skills, and yes, we're so ill, our brotherhood was Merci beaucoup Sandra Logier. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous parler de Game of Thrones ce matin. Plaisir partagé. On peut lire l'article que vous avez écrit dans le hors-série que Philosophy Magazine consacre à Game of Thrones, avec lesquels nous sommes partenaires. Un hors-série que vous pouvez découvrir en kiosque qui regorge d'articles passionnants sur cette série. Et on pourra vous lire bientôt aussi dans votre livre Nos vies en série qui sortira bientôt aux éditions Climat. It can happen to your fam or you all alone. We go big, we go home, we play this Game of Thrones. Lots of fake shit, nowadays the realm is a snake pit. No gravity, you weightless, not a chance to escape it. I take shit from no man and never compromise. Tread water, hold my head, navigate the endless lies. Allez, Game of Thrones, on continuera demain, d'ici là et tout de suite. Maintenant, il est l'heure du journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. On a un peu parlé de nudité au sujet des femmes dans la série Game of Thrones. Vous revenez sur ce thème. Qu'est-ce que la nudité? Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre tout nu? Y a-t-il une différence entre la nudité et le dénudement? Se mettre nu, est-ce la même chose que se mettre à nu? Eh bien, ces questions, ce sont celles que Giorgio Agamben pose dans un recueil qui reparaît aux éditions Payot et Rivage. Les éditions poursuivent en effet leur entreprise de publication du philosophe italien. Après Le Feu et le Récit, L'Amitié, Le Temps qui reste, et en même temps que Profanation et Création et Anarchie, paraît ainsi ce recueil intitulé Nudité. Agamben y aborde plusieurs sujets, du salut à la fête en passant par la définition du contemporain, mais tous convergent vers ce thème, ce titre, cette question, qu'est-ce que la nudité ? Il m'a vu nu, oh, toute nue, oh, sans cache-truc ni soutien machin, j'en ai roulé. vaccin. Il m'a vu nu, oh, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien. Quand Miss Tinguette chante « Il m'a vu nue, toute nue », on pourrait lui demander, et à juste titre, « Mais es-tu sûre qu'il t'a vu vraiment toute nue ?» Alors certes, un jeune homme l'a vu sans vêtements, mais a-t-il vu sa nudité ? Et a-t-il mieux vu qui était Miss Tinguette une fois qu'elle était toute nue ? C'est tout le problème que soulève Giorgio Agamben dans ce recueil de textes. Que montre la nudité ? Peut-elle se voir pour elle-même ou permet-elle de mieux voir la personne qui se dénude ? Alors le premier point est celui-ci. On peut apercevoir quelqu'un qui est déshabillé, qui est dénudé, mais voit-on sa nudité ? Voit-on la nudité ? C'est le paradoxe. La nudité montre un corps, montre une personne sans apparat, sans tissu, sans couche qui la protège, mais elle renvoie encore à cette personne. Comme si la nudité ne pouvait donc jamais être vue en tant que telle. Mais il y a un autre point. Si la nudité est impossible à saisir en tant que telle, la nudité qui dévoile un corps permet-elle alors de mieux voir la personne qui s'est déshabillée ? Eh bien non. Une personne nue ne se voit pas mieux, elle ne se montre pas plus. On peut même dire qu'elle porte la nudité comme elle porterait un vêtement. Alors à quel moment sommes-nous donc nus ? À nu, à quel moment la nudité fait-elle vraiment apparaître quelque chose ? Franz ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Vous avez de la chance d'avoir des gardiens qui vous parlent aussi amicalement. Si vous continuez à avoir autant de chance que pour l'attribution de vos gardiens, vous pouvez bien avoir confiance. Dans un autre texte qu'il consacre au procès de Kafka, Giorgio Agamben revient sur K, l'accusé qui ne connaît pas la faute dont on l'accuse. Cette initiale K, qui entretient le trouble sur l'identité du héros, fait écho à ce terme bien confus, vague et trouble aussi de quelqu'un. K est arrêté, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Forcé de se pencher sur lui, de fouiller dans son passé, de se mettre à nu, K ne trouve pas la faute dont il serait coupable. Il est poussé dans ses retranchements, il ne lui reste rien. Alors est-ce cela la vraie nudité ? Est-ce ce moment où tout ce qui nous permet d'être connu et reconnu disparaît ? Pour autant, K est reconnu, il est même identifié, mais il n'est plus personne. C'est le paradoxe de l'identité sans personne qu'évoque Agamben quelques pages plus loin. Si la nudité ne dévoile rien, si elle n'ajoute rien, on pourrait alors dire, en suivant le philosophe, qu'elle efface, qu'elle supprime, qu'elle gomme, ce qui fait que quelqu'un est une personne. Corps brut, une identité seulement biologique, peut-on dire que la nudité ne revient alors qu'à ça ? Le problème est que l'on attend de la nudité qu'elle révèle, qu'elle nous dise quelque chose de plus, tout en montrant le moins possible. Mais c'est bien qu'elle ait quelque chose quand même, quand on se met tout nu, on fait bien quelque chose, ça fait un effet, c'est un événement. Alors comment penser une nudité qui ne montre rien, mais ne soit pas rien non plus ? Agamben souligne cette difficulté. La nudité est comme une voie blanche, dit-il, elle ne signifie rien et nous transperce précisément pour cette raison. Et d'ajouter dans un autre texte sur les corps glorieux, ces corps béatifiés, que les corps rendus à eux-mêmes, montrés pour eux-mêmes, même avec des organes, restent les plus purs. Merci beaucoup Géraldine, et je précise à ceux qui se poseraient la question qu'évidemment, en studio, nous faisons chaque émission entièrement nu. Tout nu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas filmé. Exactement. Pas de vidéo, jamais des chemins. Que les invités qui sont prêts à jouer le jeu, n'est-ce pas, Sandra Logier ? Et voilà, merci à vous de vous être adapté. Le livre d'Agamben s'appelle Nudité, tout simplement. Ouais, au pluriel. Et c'est donc chez Rivage, Payot et Rivage. Si avec ça, ça donne pas envie de lire le livre, je sais pas ce qu'il faut. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, grâce à qui cette émission, comme toutes les autres, est possible. Elsa Le Saulnier qui a préparé l'émission du jour, avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Lise Combe qui réalise cette série d'émissions, et Lise Le qui est à la prise de son aujourd'hui, et Thibaut de Montalembert à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Game of Thrones. Demain, on se demandera si la morale permet de survivre. Et ce sera la philosophe Marianne Chaillan qui sera en studio avec nous pour répondre à cette question. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Lisez aussi le hors-série que Philosophie Magazine consacre à Game of Thrones. On y retrouve notamment un article de Sandra Logier et puis un autre de Marianne Chaillan. Et on se retrouve demain à 10h. Vous pouvez d'ici là aussi aller nous voir sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. On sera ravis de vous répondre si vous avez quelque chose à nous dire. Allez, à demain, 10h précise. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.